Comment tu te qualifies? Et d'ailleurs, parce que tu vois, je cherchais les termes entrepreneur. C'est super dur, je sais pas. Franchement, il n'y a pas de métier en fait qui correspond vraiment à ce que je fais. Ouais, je pense qu'on peut. Ouais, je me dis créatrice de contenu. Je crée du contenu pour Internet. Je crée des vidéos. Mais en même temps de ça, effectivement, je gère une marque. Donc, Oui, je sais pas. créatrice. Exactement. Créatrice de plein de choses, Créatrice. d'un bébé aussi Oui, récemment. aussi. Bonjour, bienvenue dans Beauté Imaginée, 63e épisode d'aujourd'hui. Je suis ravie d'interviewer la belle Héloïse aux multiples casquettes, créatrice de contenu passionnée par le maquillage. Bonjour Héloïse. Salut Alice. Moi c'est Alice. Passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok, beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Bienvenue dans Beauté Imaginée, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Chers auditeurs, sachez que je me suis trompée juste avant, j'ai lancé le live en faisant en fait un test et du coup on a dû recommencer, donc c'est pour ça que on s'est déjà dit bonjour. Voilà. C'est ça. Et donc toi Héloïse, tu es maquilleuse professionnelle, blogueuse, youtubeuse avec 90 000 abonnés sur ta chaîne Easy Blush et tu as également créé ta propre marque de skincare qui s'appelle Héloïse. Depuis bientôt 10 ans, tu nous emmènes avec toi pour viser une consommation plus saine, un mode de vie plus slow, notamment en matière de produits de beauté. Pour ma part, je t'ai découverte au printemps dernier. J'aime beaucoup ton approche, le rythme de tes vidéos aussi et la proximité que tu as créée avec ta communauté. Il y a quelques mois, quand tu as accepté de participer à mon podcast, j'étais donc super contente. Alors, pour annoncer cette interview, tu m'as donné un défi sur Instagram, celui de réaliser un maquillage complet avec seulement 3 produits. Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment tu aurais procédé, toi ? Non, mais alors déjà, bravo, parce que c'était top ce que tu as fait. Toi, tu as utilisé une BB cream, c'est ça ? Un mascara ? Exactement. Et un petit baume à lèvres coloré que tu as mis aussi sur, en blush, c'est ça ? C'est ça, oui. Bah, c'est top. Écoute-moi, ce que j'aurais fait, je pense que j'aurais utilisé un anti-cerne, plutôt un correcteur que j'aurais aussi appliqué un peu sur le teint, sur les rougeurs. En fait, ça m'aurait permis de faire une sorte de teint unifié avec un produit qui est un petit peu plus couvrant qu'une BB cream. C'est comme ça que j'aurais fait. J'aurais pris alors le mascara évident. Peut-être que j'aurais détourné en eyeliner aussi. Tu sais, j'en aurais peut-être mis un petit peu sur la main et appliqué avec un pinceau. Ah oui, je vois. Et, tu vois, on peut faire ça. On peut même faire une sorte de smoky vraiment si on le fume. Et t'as super bien fait pour le baume à lèvres coloré. Alors ça, c'est une petite astuce. Je sais qu'il y a pas mal de marques qui se vendent comme des baumes multi-usages, mais en fait, n'importe quel rouge à lèvres peut aussi être utilisé en blush. Donc, il n'y a pas forcément D'accord. besoin d'investir dans un baume qui est censé aussi s'utiliser en blush. Tous les rouges à lèvres le font. Et donc, c'était super d'avoir effectivement mis un petit peu de rouge à lèvres et hop, sur le blush, sur les joues. C'était top. Ok, bah merci. Bah oui, mais donc on voit il y a plein d'astuces possibles et c'est super pratique de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 produits forcément. Complètement. C'est une très bonne idée. Alors, chers auditeurs, après mon interview d'Héloïse, vous aurez 3 infos à deviner à son sujet. Les voici, elles sont épinglées en bas de votre écran. Vous devez deviner aujourd'hui l'âge d'Héloïse. Pour le blog de quelle personnalité de télé-réalité Héloïse a-t-elle écrit des articles de maquillage il y a 9 ans ? Et à quel casting Héloïse a-t-elle participé ? Héloïse, quand est-ce que tu es tombée amoureuse du maquillage, toi ? Écoute, il y a pas mal de temps, mine de rien. Enfin, dès ma jeune période d'adolescence, je dirais, j'avais peut-être 12-13 ans. Et c'était à l'époque où il y a eu un véritable essor des blogs beauté. Tu sais, c'était à l'époque du blog de Betty qui, pour le coup, parlait de mode, mon blog de fille qui parlait de maquillage à l'époque. Ouais, j'avais 12-13 ans. Et ça fait pas mal de temps. Je vais pas le dire exactement, sinon on va connaître mon âge. mais oui, 12-13 ans. Et donc, j'adorais tout l'univers de la beauté. C'est pas pour autant que je me maquillais beaucoup. J'ai commencé vraiment à me maquiller vers 14-15 ans, on va dire. D'accord. Et ouais, c'est à partir de ce moment-là que j'ai adoré ça. Et je pense que j'ai un souvenir aussi de ma maman. Tu sais, ma maman, elle était hôtesse de l'air. Et du coup, avant de partir en vol, elle avait elle se maquillait, tu vois, c'est un peu, ça fait partie de l'uniforme, on va dire. Mm-hmm. Et donc, je regardais ma maman se maquiller, qui se maquille pourtant pas beaucoup, hein, vraiment pas. Mais c'était un moment super féminin pour moi. C'était ça d'être une femme, tu vois. Alors, heureusement que c'est pas le cas, hein. Mais dans ma tête de jeune, et d'enfant, c'était ça. Ça te donnait envie aussi à ce moment-là. Ouais. Ouais, complètement. Oui, puis le look est très sympa. Il est complet. Donc, oui, je vois. C'était une partie majeure. Quelles études tu as faites ensuite en grandissant? Écoute, moi, j'ai fait un bac STG. Donc, c'était un bac qui était déjà, on va dire, plutôt axé communication. C'était STG communication. J'ai pas fait un bac général. Mm-hmm. Et après de ça, je suis allée vers la communication et la publicité. J'ai passé un BTS. À la base, je voulais faire de l'art. Enfin, je voulais faire de la communication visuelle. Je voulais faire tout ce qui était dans la pub, mais au niveau artistique. Et en fait, c'est pas un milieu qui m'a plu. Pas du tout déjà dans le BTS. Et en fait, après ce BTS, j'ai fait un an de maquillage, d'études, entre guillemets, de formation make-up. Mmh. Et voilà, je me suis arrêtée là puisque j'ai bossé juste après. D'accord. Oui, mais donc, t'es allée vers un métier passion finalement avec le maquillage. Complètement, complètement. Bah, en fait, je ne sais pas si je pensais que ça deviendrait mon métier, mais tu sais, après mes 2 ans de BTS où j'en pouvais déjà plus, j'avais même pas envie d'aller au bout de ce diplôme, on va dire que ma maman m'a dit, écoute, ok, je suis ok pour que tu arrêtes là, mais tu peux quand même essayer de faire du make-up, ça te plaît, et on verra après si je pourrai en vivre ou pas, parce que c'est un milieu qui est très très compliqué quand même, le make-up, pour en faire son métier. Mmh. Tu as commencé, ou en tout cas travaillé sur les plateaux de télévision? Oui. T'as une anecdote tout de suite. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais tu sais, ce qui se passe en coulisses reste en coulisses. Ah, moi. Bah oui, toujours. Non, mais le truc qui m'a marqué, on va dire, c'est que moi, je suis entrée en tant que stagiaire, donc make-up. Et la première fois que j'ai vraiment remplacé ma chef maquilleuse, c'était un jour où il y avait des problèmes de transport, je crois. Et donc, j'avais dû vite la remplacer. Et c'était sur un épisode de Tellement Vrai, sur Energy 12 à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens de cette émission, émissions un peu témoignages et tout. Et en fait, après, le présentateur, qui était Mathieu Delormeau à l'époque, interviewait une des personnes en plateau. Et donc, moi, je maquillais la personne. Et ça m'a marqué parce que c'était une émission sur le syndrome Gilles de la Tourette. Et donc, j'allais maquiller une personne qui était atteinte de ce syndrome. Tu sais ce qui est ce syndrome où d'un coup, les personnes peuvent avoir des gestes un peu, brutaux et sortir des insultes sans se contrôler. Oui. Et donc, c'était hyper impressionnant parce que moi, j'étais toute jeune, je venais d'entrer dans ce milieu-là et ça a été assez impressionnant, mais tout s'est super bien passé. D'accord. Oui, mais du coup, il y avait de quoi, pour le maquillage qui nécessite d'être précis. Exactement. Et oui, complètement. Et j'avais peur de lui faire mal. Tu sais, il suffisait que je sois avec un pinceau près de l'œil et je voulais pas qu'elle se fasse mal si d'un coup elle avait un mouvement un peu. Mais écoute, tout s'est très bien passé et ce qui était, on va dire, gênant, c'est que j'ai senti la gêne plutôt de la personne. En fait, j'avais peur. Enfin, je sentais qu'elle était gênée par rapport à moi parce qu'elle avait peur de me faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai adoré dans ce métier de make-up, c'était toute la psychologie qu'il y avait avec et toute l'empathie que ça demandait. Mais voilà, écoute, je te dis, ça m'a marqué parce que c'était une de mes premières fois, on va dire. Mais ça s'est très bien passé. Ouais. On nous dit, je suis d'accord, le maquillage est excellent, mais dur à percer. Ouais, très très dur. C'est pour ça que j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Finalement, tu as lancé d'abord ton blog Easy Blush en 2014. Ouais. Quelle était ton ambition à ce moment-là? Moi, j'avais envie de partager toutes mes astuces, tous mes conseils de beauté, de maquillage, etc. Et des blogs, j'en ai eu depuis... J'en ai eu beaucoup quand j'étais jeune, mais des blogs qui n'ont jamais fonctionné. D'accord. Parce que je mettais un article ou deux et après je les fermais, tu vois, je n'osais pas, ça ne marchait pas. Mais ce blog-là, en fait, mon avantage, c'est que j'étais vraiment maquilleuse, c'était mon métier. Donc, je sentais une sorte de légitimité à pouvoir en parler. Et je sentais aussi que sur Internet, il pouvait y avoir beaucoup de bullshit, tu sais, de pub. Justement, j'avais tellement été dans cet univers de pub que moi, je voulais arriver sur les blogs en parlant de beauté et de maquillage, mais en disant la vérité. Tu sais, je voulais arriver... au niveau de bullshit côté marque, de marque et chanter parfois. Alors, je pense que l'influence n'était pas encore très développée, donc je ne suis pas sûre que les influenceurs étaient énormément payés, on va dire, pour parler des marques. Mais en fait, je voulais dire la vérité. Je voulais dire la vérité sur telle ou telle astuce, tel ou tel produit. Et je voulais... tu n'aimes pas forcément aussi. Exactement. Et je voulais démêler le vrai du faux. Donc, moi, je suis arrivée un peu avec ma posture de justicière, tu vois. Moi, je vais vous dire la vérité parce que je m'y connais un peu, tu vois. Je suis arrivée comme ça. Ouais. Ah oui, c'est drôle. C'est vraiment possible de garder une posture comme ça de vérité dans ton métier? Oui, c'est dur, mais... Alors, non, pardon. Oui, c'est facile. Ok. C'est... Attends. Comment dire? Ça va être plus compliqué, ma réponse. En fait, c'est le cas, mais ça va dépendre de ton business model, en fait. Bien sûr que c'est possible. Est-ce que c'est facile d'en vivre alors qu'on est censé dire du bien de toutes les marques? Non. C'est là-dessus que ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est complètement possible, ouais. Je te dis, ça dépend. Moi, j'ai réussi à m'en tirer. De toute façon, pour moi, il n'en était pas question d'en vivre si c'était à condition d'être payé par des marques pour dire des choses que je ne pensais pas. Ça, tu vois, c'était même pas possible. Oui. Là où je peux me permettre de dire la vérité ou de parler seulement des marques que j'aime, c'est parce que finalement, ce n'est pas c'est pas ma principale source de revenus. C'est J'ai ma ça. propre marque, Tu j'ai as des formations varié. en ligne. Exactement. J'ai Oui. réussi à varier la chose. Sinon, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué. Après, ça dépend des secteurs. Tu vois, je pense que dans la beauté engagée green, c'est un peu compliqué parce que les budgets sont pas du tout les mêmes que dans d'autres types Ah, tu le de... vois, Ah oui. oui, complètement. Bien sûr. Parce qu'en fait, les marques vont, enfin, c'est tout leur ADN, c'est aussi de proposer des ressources, des matières premières plus coûteuses et Ouais. du coup de proposer des prix justes et donc elles ont moins de budget communication. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est là tout le problème, c'est que c'est génial parce que ça veut dire que enfin, c'est génial dans le sens où, bien sûr que les marques font quand même de la marge, et tant mieux, il en faut, hein, pour qu'une marque survive, il faut de la marge. Mais ce n'est pas des marges outrancières, on va dire, et les trois quarts des budgets partent pas en Oui. communication. Ça part dans la recherche et le développement, ça part dans, comme tu dis, dans l'achat Ouais, d'ingrédients qui sont de bonne rémunérer qualité. les fournisseurs. Exactement. Donc c'est génial. Et effectivement, du coup, il y a moins de budget communication. Oui. Va avec. Mais donc toi, ouais, voilà, pour toi, c'est super important de ne parler que de ce qui te plaît et de ce qui correspond à tes valeurs, en fait. Bah oui, et je trouve que c'est déjà, en tout cas, moi, ça va avec mes valeurs de liberté, de transparence. Ça, c'est très, très important pour moi. Mais il y a aussi ce truc de toute façon, ça serait me mettre une balle dans le pied que de mentir sur un produit, parce que Ah comment oui. veux-tu qu'on me fasse confiance sur le long terme si je dis des choses qui ne sont pas Mais vraies? C'est infaisable, donc ça serait vraiment oui. C'est même pas bon pour court-termiste en moi. fait. Oui, Ouais, ça serait court-termiste comme technique. exactement. Et alors, c'est à ce moment-là aussi que tu as lancé ta chaîne YouTube en 2014? Écoute, c'était quelques mois après. Il me semble que c'était quand même en 2014, mais que c'était quelques mois après, parce qu'en fait, au début, c'est là-dessus que tu vas me comprendre, moi, je voulais pas me montrer. J'étais à l'aise à l'écrit, j'écrivais des articles. C'était pas pour rien que j'étais devenue maquilleuse. Moi, ça m'allait très bien d'être derrière la caméra et pas devant. Et du coup, je voulais vraiment écrire que des articles. Sauf que la beauté, le make-up ou le skincare, c'est quand même assez, enfin, c'est assez sympa de le montrer quand même, tu vois, C'est sûr. des textures, de montrer l'application, etc. Mais je me souviens que une de mes premières vidéos YouTube, c'était en format podcast, alors que ça n'existait même pas les podcasts avant. Ah C'est qu'en ouais. fait, non, je mettais des photos des produits et je mettais ma voix derrière pour parler des Pas produits, tu vois. mal. Précurseur. Mais bah, c'est ça un peu quand j'y pense. Mais finalement, je me suis dit qu'il fallait se lancer et que si je voulais parler de make-up et de montrer des tutos, il n'y avait rien de plus simple quand même que de se filmer. Donc ça arrivait quelques mois après. D'accord. Et justement, au début, t'as gagné en assurance, du coup, face à la caméra, Oh là c'est là, ouais. progressif. Ah bah complètement. Non mais là, tu sais que là, j'ai réouvert mon ancien ordinateur, donc je suis retombée sur mes premières vidéos. Ouais. Non mais c'est un sketch, c'est vraiment un sketch. Oh, je me dis, mais oh là là, heureusement que j'avais pas conscience de ça avant. Et bien évidemment qu'il y a eu de l'assurance et que oui, bien des miens, on est plus à l'aise au fur et à mesure. Donc il faut pas, comment dire, il faut pas avoir peur au début. C'est normal de ne pas être complètement à l'aise, c'est normal de se sentir nul, c'est normal. Et en fait, il y a que l'entraînement et l'exercice qui va faire qu'on s'améliore, Oui. bien évidemment. Et qu'on relativise aussi, on est souvent plus dur Ah avec oui. soi-même, en fait. C'est sûr, c'est sûr. Ta communauté s'est vite développée? Oui, j'ai eu de la chance parce que ça fait partie des questions mystères, enfin des réponses C'est vrai. auxquelles on va répondre. Oui, j'ai eu de la chance parce que j'écrivais pour une personne qui avait une grosse communauté sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et donc, mon blog a pu se faire connaître assez rapidement. Il y a eu ça et il y a eu aussi le fait que à l'époque, donc ouais, il y a 9-10 ans, la beauté green n'était pas hyper développée. Ça commençait un petit peu à sortir et à avoir cette image un peu moins vieillotte. Ah oui. Et donc, en fait, je pense que je suis arrivée au moment où les gens commençaient à s'y intéresser, à tout ce qui était beauté, green, naturel. Et donc, je suis arrivée aussi au bon moment tu sais, j'étais là au moment où les gens recherchaient plus ça sur Internet, à mon avis. Oui, oui, il y a une part de chance et toi, tu as été parfaitement au bon moment. Exactement. Avec ouais, la bonne réponse. Et il y avait YouTube aussi. J'étais pas seulement blogueuse et on n'était pas beaucoup sur YouTube. En fait, il y a peu de gens qui osent se filmer et se mettre en ligne sur YouTube. Donc, mine de rien, ça permet de se différencier un petit peu, tu vois. Oui, je vois. Ouais. Donc, c'était plus simple pour se faire connaître grâce à ça. Ouais. À quel moment tu as pu vivre, en fait, de ta création de contenu par rapport à ton travail en télévision? Comment ça s'est passé? Écoute, ça n'a pas du tout été tout de suite parce que comme je te le disais, moi, en fait, à l'époque, je n'avais même jamais imaginé que j'en vivrais. Moi, tu sais, déjà, quand une marque, les premières marques qui m'ont contactée pour juste me proposer de m'envoyer un shampoing ou je sais pas quoi, j'étais déjà trop contente. Tu vois, j'avais l'impression que c'était une faveur de dingue qu'on m'envoie un cadeau. Donc, pas une seconde, je pensais qu'un jour, je pourrais en vivre. Ça s'est fait au bout de quelques années, je dirais au bout de 4-5 ans. D'accord. Et, après 2014, au bout de 4-5 ans. D'accord. Exactement. Parce que bah déjà entre-temps moi j'étais maquilleuse donc j'avais pas besoin de ça. Enfin, je comptais sur mon métier de maquilleuse en fait pour vivre, on va dire. Oui. Et le blog c'était du bonus et en fait les budgets se sont quand même un petit peu libérés, on va dire dans le secteur, donc il y avait un peu plus de propositions, ma communauté avait un peu évolué aussi, avait un peu progressé. Augmenté, je veux dire, donc forcément, on me payait un petit peu plus, ce qui a fait que j'ai pu en vivre. Et surtout, en fait, moi, j'ai voulu arrêter le make-up à un moment parce que je pense que j'avais fait le tour. Et en tout cas, moi, ça ne me correspondait plus à ce moment-là, le milieu D'accord. de la télé. Mmh. Et donc, en fait, comme j'étais intermittente du spectacle à l'époque, au moment où j'allais arrêter, j'allais avoir un an de chômage, en fait, ce qui allait me permettre de pouvoir faire la transition. Et j'ai voulu tester, comme c'est à une époque où j'ai voulu aller vivre à l'étranger aussi. Mmh. Je me suis dit, bah, t'as un an pour tester et voir comment ça se passe, si tu peux en vivre justement en restant aligné à tes valeurs. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que déjà, j'ai créé mon propre produit. Mon premier produit, en fait, c'était une formation en ligne Ah oui. où je partageais je donnais des cours en ligne de make-up. Et donc, ça me permettait justement d'avoir une sorte mon propre produit qui me faisait gagner de l'argent et je ne dépendais pas des marques. Et en fait, ça a été le premier d'une série de formations en ligne et ensuite j'ai créé ma marque plus tard, mais ça on en parlera. Et du coup, tu as évoqué le fait de partir à l'étranger. Tu es donc partie en Thaïlande à ce moment-là. Ouais. Je suis tombée amoureuse de la Thaïlande. Alors, je connaissais déjà en voyage. Et en fait, à un moment, j'ai vraiment eu besoin. J'avais beaucoup, beaucoup bossé. Je me suis dit, là, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de partir à l'autre bout du monde. Et donc, je cherchais un endroit, une destination pour partir 10 jours. Alors, tu vois, maintenant, j'ai une conscience qui est un peu plus aiguisée en termes d'écologie. Donc, je ne sais pas si je referais exactement la même chose, de partir aussi loin pour peu de temps. Mais j'ai débarqué sur une petite île de Thaïlande qui s'appelle Koh Phangan, qui est assez connue dans le domaine du yoga, la méditation, D'accord. tout ça. Et j'avais envie de partir au soleil faire du yoga. Et je suis tombée complètement amoureuse de l'endroit. C'était incroyable. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui bossaient en ligne de là-bas. C'était les prémices des digital nomades. À l'époque, c'était pas autant la mode. et je me suis dit, attends, mais c'est génial. Donc, il me suffit d'avoir un ordinateur et je peux vivre ici, en fait. Ah ouais. Ouais. Et là, le sentiment de liberté, j'imagine. Mais c'était incroyable. C'était la liberté et c'était, tu sais, l'ouverture du champ des possibles. Jamais j'aurais cru une seconde que je pourrais travailler sur mon ordinateur les pieds dans le sable. Parce que je te dis, les coworking là-bas sont littéralement les pieds d'accord. dans le sable. Tu es sur la plage avec ton ordinateur et tu gagnes de l'argent en faisant ce que t'aimes, mais en même temps dans un cadre de vie qui est incroyable. Et en plus de ça, ce qui était assez intéressant avec le fait de vivre en Thaïlande, c'est que j'avais pas autant besoin de gagner d'argent que si je restais en France et surtout à Paris. Et oui, le ça coût qui de est la intéressant. Vie étant bah, bien beaucoup sûr, moins élevé. bien sûr. Donc en fait, comme moi, je gagnais mon argent en euros. Mais là-bas, je dépensais quand même beaucoup, beaucoup moins, tu vois. Donc ça, c'était assez intéressant. Alors, c'est pas du tout pour ça que je suis restée là-bas, hein. Mais ça a Ça a fait permis partie. que ça dure. Exactement, exactement. Donc oui, énorme coup de cœur. Alors, je vivais pas là-bas 100% du temps, hein, mais j'y allais pendant 3 ans. J'ai fait moitié de l'année à peu près là-bas. Ouais, c'est vrai que sur papier, on se dit, ah, c'est l'idéal. T'étais Ah ouais, là-bas quand il faisait froid ici, un exactement. petit peu, tant qu'à faire. Bah oui, moi je passais l'hiver en Thaïlande, c'était pas Ouais, mal. comme ça, tu gardes quand même tous tes contacts français. Enfin, 6 mois de l'année, ouais, pas Ouais, mal. mes Mais proches, mes amis aussi surtout. Mais t'as quand même décidé d'arrêter ce mode de vie-là. Oui, parce que Au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que, alors pour le coup, c'était vraiment le paradis. C'est-à-dire que vraiment, c'est la mer turquoise, les couchers de soleil incroyables, un mode de vie qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, ça coûte moins cher, par exemple, d'aller au restaurant que de faire des courses. Donc, c'est un Ah mode de oui. vie qui est quand même incroyable, qu'on peut avoir presque nulle part ailleurs. Un confort qui est génial. Mais t'es quand même pas avec tes proches, en fait. Tu te retrouves Oui. loin de tes amis, de tes moments avec ta famille. Alors, même si j'avais des amis sur place, hein, heureusement, Oui, j'avais oui. des amis qui étaient venus me voir. Mais tu te retrouves quand même loin de tout, loin de tes Oui. proches, loin de tes repères. Et un truc qui est terrible, dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, on s'habitue à tout. Et ce qui nous paraît extraordinaire au début, et ben, au bout Ah, d'un tu deviens un moment, peu blasé, ah, mais entre guillemets. complètement, en fait, au Ah bout d'un moment, oui. bah ouais, j'avais plus envie d'aller à la plage, j'avais plus envie de voir les Oui, couchers de presque le soleil. sable, ça devient Mais gênant oui! dans les pieds. Terrible! Ouais, je comprends. Et Oui, donc, c'est en la fait, nouveauté, en fait, qui bah ouais, nous c'est la stimule nouveauté beaucoup. et la rareté, je pense, la rareté d'un Oui. moment qui en fait sa valeur. C'est vrai. Et en fait, à force d'y passer trop de temps, bah voilà, je m'y retrouvais plus, j'avais besoin de m'ancrer un petit peu, j'en avais marre. Parce que là-bas, après, tu sais, il faut quand même se loger, donc il fallait changer de maison souvent. C'était pas le même confort. Moi, il me fallait quand même une bonne connexion Internet pour pouvoir travailler. Et en fait, la dernière année, quand je faisais l'aller-retour, déjà j'avais hésité à y aller. Je sentais que j'avais plus envie. D'accord. J'y suis quand même allée et j'ai eu un accident de scooter là-bas Ah. qui m'a fait. Alors, c'était pas gravissime, mais j'ai eu quand même des sacrées brûlures au niveau des jambes. Oula. Et ouais, et je suis revenue en France pour cicatriser mieux parce que c'est un climat très très humide là-bas et c'était pas idéal pour cicatriser. Et écoute, c'est tombé pile au moment. Enfin, je suis rentrée 2 mois avant le Covid et le confinement, en fait. C'est tombé à ce moment-là. Ouais. D'accord. Donc Oula, j'étais ouais. quand même Ouais. contente d'être revenue, on Oui, va d'être dire. près Ouais, de tes proches aussi à ce ouais, moment-là. complètement. Mais oui, parce que sinon j'aurais été coincée. Je pense que là-bas, Eh c'était oui. beaucoup plus facile de vivre là-bas un confinement et tout ça. Hein, Oui. mais j'avais pas envie d'être loin de tout le monde, quoi. Ah ouais, il y a de quoi psychoter du coup. Ouais. Oui, d'accord, donc ça c'est plutôt bien goupillé. Bah Mais complètement. et puis peut-être qu'en fait, enfin ouais, comme tu disais, de toute façon, on s'habitue à tout, mais le fait de faire 6 mois, 6 mois, tu perds un peu en stabilité. Peut-être sur plusieurs années, tu te dis, bon, Ouais. il Bah, c'était une faut. sacrée organisation aussi, Ouais. déjà, tu sais, pour mon Et... appartement. Alors, heureusement, mon frère, en fait, sous-louait mon propre appartement à Paris. Parce Ah, que sinon, oui. tu vois, enfin, tout ça, c'est aussi une sacrée Bah oui, logistique. Tu fais carrément. quoi ton appartement pendant 6 mois? C'est sûr. Tu vois, c'est. Donc, heureusement, mon petit frère avait besoin d'un appart à ce moment-là, donc il le prenait. Et il dégageait quand tu Ouais. revenais. Bah Oui, c'était le jeu. Donc il y avait ça, mais il y avait aussi, bah, si je continue quand même à parler d'un petit peu de beauté, il fallait que je parte avec assez de produits là-bas pour Ah bah pouvoir en oui. parler. Parce que oui, là-bas, on ne me livrait pas les produits, tu vois. Et oui, c'est sûr. Donc c'est vrai qu'il y avait, comme Oui, en tu fait, dis, il y a quand même pas mal, ouais, ouais, oui, c'est une organisation. c'est de la liberté, mais beaucoup d'organisation, tu vois, c'est le prix. Ouais. Et oui, il y avait une forme d'instabilité du coup. Alors que moi, j'aime bien quand même. Autant j'ai adoré faire. J'adore la nouveauté, mais j'aime bien avoir ce truc un petit peu ancré et sécurisé. J'ai besoin de ce cocon. Des J'adore. repères Ouais. routiniers. Ouais. J'ai besoin de ça. C'est vrai que quand tu me dis avoir fait ça pendant 3 ans, enfin moi qui aime bien le côté routinier, là moi ça me dit oulala, là, comment c'est possible? Mais en même Attends, temps mais voilà, là-bas. c'est Mais là-bas, il y j'avais une a vraie routine quand même, hein. oui Tu bah sais, moi, oui j'installais ma petite maison, ouais j'allais m'acheter des petites ouais lumières, je faisais mon petit cocon quand même, parce que justement, oui je j'avais vois besoin de ça. Ouais. ouais oui c'était pas en mode non plus sac à dos où tu fais où tu cherches tout le temps, t'as créé Non. ton ta Ouais. stabilité là-bas. Ouais, Ouais, mais ouais. c'est intéressant comme situation. Et le fait de consommer de façon plus responsable, d'utiliser des produits naturels, ça s'est passé à quel moment alors pour toi? Et écoute, ça s'est passé assez rapidement après l'ouverture du blog. Alors, c'était complètement un hasard. Hein. C'était pas du tout. À la base, j'étais partie vraiment pour parler de make-up, de beauté. Et j'étais pas du tout sensibilisée à tout ce qui était écologique, green, tout ça. Vraiment pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plein de prises de conscience en même temps. Ça a été sur l'alimentation, ça a été sur la santé et du coup, forcément, sur la beauté aussi. Et donc, ouais, je pense que ça a commencé plutôt sur l'alimentation. Moi, à l'époque, je suis devenue végétarienne pour des raisons de santé, bizarrement, au début. C'était même pas Ah. forcément pour les animaux, alors que je suis une fana des animaux et je suis très, très sensibilisée à ça. Mais je sais pas pourquoi, c'était plutôt sur un discours de santé à la base. Et en fait, c'est parce que je suis entrée là-dedans avec un livre qui s'appelait « Si on arrêtait de se mentir » de Erwan Montéour, qui était assez reconnu à l'époque là-dedans. Et en fait, ça m'a permis d'avoir un système de pensée de tiens, peut-être que ce que je pensais être vrai n'est pas vrai. Et donc, j'ai remis Ah, en et est cause un plein de choses. formatage. Exactement. Et donc, là, je me suis renseignée aussi sur la composition des produits, sur ce qu'on mettait sur la peau, etc. Et j'ai eu une véritable prise de conscience. Tu vois, moi, je te dis, je suis devenue végétarienne, j'ai commencé à consommer bio, même dans l'alimentation, alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Et donc, je me suis dit, mais attends, ce que tu mets sur la peau aussi. Et donc, il y a eu C'est vraiment complet. un. Ah ouais, ça a été vraiment assez rapide, radical pour le coup. Et donc, c'était, je pense, en 2014, quelques mois après l'ouverture du blog. Mais c'est ce qui est. Comme je te disais, c'est plutôt bien tombé parce qu'à l'époque, ça commençait à arriver un petit peu dans les esprits, ce fait de faire attention à ce qu'on consomme. Et donc, j'étais au bon endroit au bon moment et j'ai commencé à parler de ça aussi sur mon blog, de cette prise de conscience. Oui, comme ça, c'est un peu le fil rouge Ouais. tout au long de ces années de d'emmener avec toi Oui. tes fidèles Des personnes qui me suivent, en tout cas. spectateurs, voilà, Ouais, exactement. sur ces pratiques-là. D'accord. Et quand Ouais. tu es revenu habiter en France il y a 3 ans, tu as eu une opportunité pour capitaliser sur toutes tes connaissances en matière de beauté. C'est l'opportunité de lancer ta propre marque de skincare. Et ouais. Comment ça s'est passé? Ah bah écoute, alors ça c'était dingue aussi parce que c'est ça je l'aurais jamais imaginé. Ah oui, merci, dis donc, t'as la rêveuse, l'huile Ouais, démaquillante, j'ai trop beaucoup bien. aimé. Je trouve que la senteur est vraiment super Ah, trop agréable. bien. Moi, je suis fan des huiles démaquillantes, enfin, du double nettoyage. Et du Ouais. coup, là, j'étais vraiment. Je la trouve super Ça cool. sent Et l'amande. aussi. Ah, c'est Ouais. l'amande, oui. Et je trouve aussi le flacon très bien. Parfois, ils sont un peu fragiles, ou tu vois, enfin, j'ai croisé plusieurs types de flacons. Et là, il donne juste ce qu'il faut. Et en même temps, il est bien résistant. Donc, ouais. Ah, génial. Très, très Bah bon. écoute, comme tu Très dis, belle en fait, expérience. c'est une odeur d'amande, mais figure-toi qu'il n'y a pas de parfum dedans, c'est l'huile de prune qui sent naturellement l'amande. Et oui. Voilà, D'accord. que vous le savez. Que vous le sachiez, en tout cas, si même vous avez envie juste d'une huile végétale qui sent naturellement quelque chose, l'huile de prune sent un peu la frangipane, l'amande. C'est hyper Ouais, agréable. d'accord. Ouais, Ah, ouais, ok. ouais. Et donc, oui, donc cette marque, en fait, ce qui s'est passé, c'est pareil, jamais je l'aurais imaginé parce que bah, moi, je bossais depuis longtemps avec des marques, on m'envoyait des produits et tout. Moi, j'étais un peu dans l'entre-deux. J'ai commencé avec tout ce qui était plutôt slow cosmétique, c'est-à-dire que j'utilisais des huiles végétales, je me démaquillais à l'huile végétale, j'utilisais de l'aloe vera en sérum et ça m'allait super bien. Et après, j'ai commencé à recevoir, donc, du coup, des marques, des produits. Qui pour le coup étaient plus travaillés, tu vois, des crèmes, des huiles, des synergies, Ah enfin oui, des moins de shampoings avec plein de matière trucs. brute, comme on dit. Exactement, D'accord. exactement. Et c'était très agréable aussi. Et je trouvais ça aussi, comment dire, important que ça existe parce que moi, autant utiliser des huiles ou de l'aloe vera, ça me convient très bien. Mais il y a des gens, si tu leur dis d'utiliser ça, ils n'en veulent, enfin, ils veulent même pas en entendre parler parce qu'ils sont tellement habitués à une beauté conventionnelle. À des d'autres senteurs, à d'autres textures, que la slow cosmétique est trop. Trop éloigné. Exactement, c'est trop éloigné de ça. Donc, je trouvais ça intéressant quand même qu'il y ait des produits très travaillés, qui soient quand même plus Intermédiaire, clean. oui. Exactement. Et le truc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contactée pour créer une marque. Et en fait, à la base, c'est ce que je te disais quand on a préparé cette émission. Moi, j'ai un peu envoyé balader la personne qui est venue me proposer ça parce que je pensais, j'étais persuadée, en fait, qu'on venait me proposer une marque blanche. C'est-à-dire qu'une marque blanche, c'est que le produit existe déjà. Et en fait, enfin, la formule existe déjà, le produit existe déjà. Et en fait, tu n'as qu'à changer l'étiquette et tu mets ta marque, le nom du produit que tu veux. Bref, Et tu fais ta communication tu fais ta autour ensuite. communication. Et alors, moi, j'étais absolument anti ça parce que La ce que je. justicière n'aurait Bah, c'est pas ça, la supporté. justicière n'aurait pas supporté ça. Et j'ai dit, mais il est hors de question que je mette mon étiquette, mon nom sur un produit et Sans que j'aurais eu l'avoir l'un. Bah ouais, j'aurais eu fabriqué. l'impression d'arnaquer les gens, tu vois. Je voulais pas jouer sur ma communauté ou sur la confiance qu'on pouvait me porter. Et en fait, la personne m'a dit, ah mais pas du tout, nous on fait pas du tout ça. Nous en fait, on va aider des créateurs de contenu à créer leur propre marque parce qu'en fait, vous y connaissez bien dans ce domaine-là, vous avez Oui. essayé plein de produits et surtout, vous êtes en contact avec les personnes de votre communauté, donc vous pouvez créer des produits qui Ah, manquent qui et leur qui plaisent leur vraiment. plaisent Oui, c'est exactement. génial comme Et approche. Ouais, donc, je me suis d'accord. dit, ah ouais, ok, pourquoi pas? Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui manque selon moi? Parce que je voulais surtout pas rajouter une marque qui ressemble à d'autres. Je voulais pas créer un produit qui existait vraiment déjà. Je voulais vraiment trouver, parce que tu sais, dans la beauté clean, en tout cas, oui, dans la beauté clean, il y a quand même cette notion de minimalisme. Ça sert à rien de surconsommer du clean. Ça reviendrait au même que du conventionnel à force, tu vois. Donc, je voulais pas créer une marque à rallonge. Je voulais être anti-marketing. Ça, c'était mon truc. Moi qui étais dans la com, justement, et dans la pub, tu vois. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui manque? Et en fait, moi, je voulais ce produit entre deux, justement, entre le slow, entre le produit brut et le produit hyper travaillé. Je voulais que ça D'accord. soit des matières hyper nobles, hyper naturelles, qui soient mélangées entre elles, que ça fasse une parfaite synergie, mais qu'il n'y ait pas non plus une liste d'ingrédients à rallonge qu'on ne soit pas capable de comprendre, tu vois. Et donc, je voulais que ça soit ces produits qu'on serait peut-être même capable de faire soi-même, en fait, si on les mélangeait, si on achetait tout, mais qu'ils soient quand même travaillés en termes de sensorialité, d'odeur, de texture, etc., et qu'ils soient super efficaces. Et oui. Et c'est de là qu'est née cette marque-là. Alors, à la base, c'était même pas une marque, c'était un seul produit qui s'appelle la Lumineuse. Mmh. Et la rêveuse, celui que t'as, c'est le deuxième. C'est le deuxième qu'on a créé. D'accord. Et donc, ouais, la Lumineuse, c'était le mélange que j'aurais, enfin, que je me faisais toute seule chez moi, en fait, quand j'achetais mes huiles. Oui, d'accord. Mes différentes huiles végétales, mes différentes huiles essentielles, etc. Et je voulais une huile qui soit adaptée à toutes les peaux, qui a un effet anti-âge, perfecteur de peau, qui donne bonne mine en même temps. Tu vois, c'est cette huile que tout le monde peut mettre, qui convient à tout le monde, aux hommes, aux femmes, à tous les âges. Et c'est de là qu'est née la Lumineuse, effectivement. D'accord. Et aujourd'hui, tu as 4 produits. Ouais. Il y a un cinquième qui est en préparation, qui va pas tarder. Mais oui, donc il y a la Lumineuse, c'est le produit dont je viens de te parler, qui est vraiment l'huile multi-usage. Donc le soin jour, le soin nuit, qu'on peut mettre aussi sur le contour de l'œil, qu'on peut mettre en sérum sur les cheveux. C'est génial pour parce que c'est une huile qui est, comment dire, qui le premier ingrédient c'est l'huile de jojoba. Et l'huile de jojoba, c'est une huile qui imite parfaitement le sébum de la peau et qui se fond très très rapidement. Donc en guise de sérum capillaire, elle est géniale aussi. Mmh. Ensuite, c'est la rêveuse, c'est l'huile démaquillante que t'as, qui est une huile démaquilleuse qui s'enlève, qui se retire à l'eau, donc qui enlève tous les types de make-up et qui se retire à l'eau. Ensuite, c'était la somptueuse, c'était un mélange d'huile végétale, d'huile essentielle, vraiment top pour booster la pousse et pour renforcer tout ce qui est, les cheveux. Et d'accord. Qui, en plus de ça, a un ingrédient en fait qui permet de s'enlever plus facilement que n'importe quelle huile à l'eau. Elle a le même ingrédient que la rêveuse. Ah, tu vois ce que je veux dire? Alors que la Lumineuse, elle n'a pas à se rincer. Non, c'est vraiment une huile de soin. Oui, d'accord. C'est une huile de soin. C'est à la place d'une crème hydratante. C'est vraiment une synergie en soin jour, en soin nuit, tu vois. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, la rêveuse, donc l'huile démaquillante. Oui. Et moi, j'adore faire des produits multi-usages. Bah, tu vois, c'est pour ça que je t'ai lancé ce défi-là. Oui, Et c'est l'une des personnes, c'est une des clientes qui a appliqué la rêveuse sur ses cheveux en disant, en fait, finalement, c'est des super huiles végétales. Et comme elle se rince facilement, je me suis dit que ça allait être génial en bain d'huile. Et je me suis dit, mais elle a tellement raison. C'est génial d'avoir pensé à ça, en fait, parce que parfois, ce qui freine les gens à appliquer des bains d'huile, tu sais, parce que c'est génial de mettre des huiles sur les cheveux. Oui. Avant de se shampooiner, ça fait vraiment, ça booste la pousse, ça, à la place d'un masque ou d'un après-shampoing, c'est génial. Ça nourrit, ouais. Exactement. Et le truc, c'est que c'est vrai, ça peut être un peu compliqué à rincer parfois. D'accord. Et je me suis dit, mais elle a tellement raison. En fait, il faut créer un produit spécial pour les cheveux qui soit facile à rincer. Exactement. Ah, d'accord. Et ça n'existait pas, figure-toi. Ça n'existait pas du tout. Donc, on a créé la somptueuse. Alors, la rêveuse peut aussi complètement s'utiliser sur les cheveux. Du coup, pour le coup, tu pourras essayer. Du coup, maintenant que tu l'as. Ouais. Mais la somptueuse, on va dire qu'elle est vraiment axée cheveux parce qu'il y a l'huile de ricin et que c'est une huile magique pour booster la pousse et qu'il y a des huiles essentielles qui sont vraiment faites pour le cuir chevelu, pour espacer les shampoings, etc. Tu vois, donc on va dire que c'est le mélange parfait pour les cheveux. D'accord. et qui en plus s'enlève facilement. Ah ouais, et enfin le dernier, c'est le petit dernier, il s'appelle l'enchanteur. Alors là pour le coup, il va changer de nom, il va s'appeler le magicien maintenant. Ah voilà, je sais pas exactement quand sera quand c'est sera... mystérieux tout ça. Ouais, j'aime bien. Et ça c'est le petit baume multi-usage, c'est le petit baume qu'on met sur les lèvres, qu'on met aussi vachement qui est vachement bien sur les cils, sur les sourcils pour booster la pousse parce que il y a de l'huile de ricin aussi dedans et c'est le petit baume multi-usage, tu sais que tu mets sur les contours du nez si tu as un peu froid pendant l'hiver et que tu as des petites peaux, si tu as un bobo quelque part, si tu veux aider à la cicatrisation pour aider la cicatrisation de tatouage, elle est géniale aussi. Ah oui. Pareil, c'est un petit baume qui ressemble, qui a un peu cette texture de pommade en fait. Plutôt, c'est hyper, hyper fondant. Et donc, et voilà, ça, c'est le petit dernier. Ok, ouais. Avant le suivant. Avant le suivant. Qui sera en fait une version de la Lumineuse, mais sans huiles essentielles. Voilà. D'accord. Ah, ouais. Pour convenir peut-être aux femmes enceintes aussi, exactement. Aux enfants. Ouais. Ouais, parce que ça m'a vachement manqué pendant ma grossesse. Je ne me rendais pas compte avant, mais c'est vrai que pendant la grossesse, on évite l'utilisation d'huiles essentielles et pendant l'allaitement aussi. Et en fait, en beauté clean, il y a très, très peu de produits sans huiles essentielles. Je ne m'en rendais pas compte, en fait, avant. Et j'ai eu beaucoup de demandes. Et parce que dès qu'on veut mettre une senteur qui soit naturelle, on pense huiles essentielles. Exactement. Exactement. Et donc, c'est très, très compliqué de trouver des produits qui n'en ont pas. Et donc, voilà, le but, c'était de créer un produit qui sente bon, mais qui ne contient pas d'huile essentielle et qui a quand même ce côté bonne mine, soin de la peau, anti-âge et compagnie. Donc voilà, ça va arriver dans les prochaines semaines. Du coup, c'est marrant, t'es évidemment ta première cliente en fait, et oui. c'est toi qui te rends compte de ce qui t'a manqué. Ou, ouais. Donc, ouais. Ouais, ça, la liberté et les retours. De dire, allez, il manque ça, hop, c'est il pas me mal. faut. Ouais. C'est pas mal. Et ta marque a eu un bel accueil auprès de ta communauté. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé? Ouais, c'était fou, ça a été Ah incroyable, ça a été oui. ouais, c'était moi je te dis donc j'ai bossé main dans la main avec cette marque qui m'a aidé à lancer ça. Donc c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est logistique, c'est pas moi qui envoie les petits colis, tu vois, c'est ce que je te Oui. disais, c'est heureusement parce que sinon je pourrais plus me permettre de Mm-mm. créer du contenu sur internet, j'aurais plus le temps de faire ça. Ouais. Donc c'est qui ont mis en place la logistique, ceux qui gèrent mon site internet pour le e-shop, etc. Et donc en fait, je crois qu'à la base, on s'était dit bon, on va peut-être lancer je sais plus, peut-être 200 unités de lumineuses, et on va voir si c'est bien accueilli. Parce que moi, j'avais jamais fait ça. Moi, j'étais juste influenceuse, entre guillemets, j'étais créatrice de contenu. Mais bon, et écoute, en fait, ça a cartonné parce qu'en 2 heures, on a été en rupture de stock. C'était fou. Ah Et oui. c'était génial de voir qu'en fait, on me faisait confiance. Ouais. Et je pense que j'avais vraiment bien teasé sur la chose, en fait, dans le sens où en marketing, on appelle ça, j'ai documenté le process. C'est-à-dire que j'ai montré au fur et à mesure comment j'ai créé le truc, j'ai préparé les gens à ce qui allait arriver. J'ai vraiment, ouais, j'ai partagé toutes les Tu les étapes. as intégrés à l'aventure entrepreneuriale, quoi. Ouais, exactement. Je trouve ça intéressant parce que, enfin, comment dire, quand on bosse dans le marketing, dans la com, peut-être que ça paraît évident, mais des personnes qui bossent pas du tout Et là-dedans s'en rendent non, peut-être pas compte de ouais, toutes de les chaque étapes. étape. Et ça Ouais. donne du coup plus de Oui. valeur de réaliser ce qu'il y a derrière et quelles étaient les intentions, en fait. Ouais, je trouve. Ouais. Enfin, même moi, ça m'amusait de partager ça, tu vois, Oui. comme j'ai l'habitude de partager mon quotidien. Ça a super bien marché. Et après, le vrai truc, moi, ce qui était très important, que ça marche, que ce soit vendu, c'est une chose. Mais là où j'ai vachement stressé, c'est les premiers retours. Tu vois, parce Ah, que ça peut. oui, que Bah les gens oui, ne soient pas déçus. c'est ça, tu imagines la pression quand même, parce que ça veut Oui. dire qu'on me fait confiance, on Ouais. achète mon produit sans même le sentir, sans même C'est le voir, sans même vrai. l'essayer, parce que c'est C'est sur vrai. Internet. Ouais. Et donc moi, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était les premiers retours. Et ça a très bien marché. La lumineuse, c'est vraiment Ah. le best-seller, c'est le produit incontournable. C'est mon premier, c'est le multi-usage, c'est la valeur sûre, on va dire. Ouais, ça devait être jouissif du coup. Ouais. Ouais, surtout quand il y a eu la rupture de stock. Bah, à la fois un petit peu stressant, enfin, ça met un peu d'adrénaline. Mais ouais, Ouais, c'était c'est. génial. Et alors, hop. Oui, tu m'as évoqué le syndrome de l'imposteur. Toi, tu dirais que tu en souffres? Oui, ouais, je pense que. Alors, on est beaucoup, hein, c'est pas que moi, on est beaucoup, beaucoup à en souffrir sur Internet. Je pense que. Alors, pour le coup, je l'ai pas eu en arrivant sur YouTube parce que justement, j'avais mon diplôme de maquillage. Donc, tu sais, je suis arrivée en me disant, bah, moi, c'est bon, du coup, je me sens légitime parce que j'ai mon diplôme, parce que ça a été mon métier. Mais sous plein d'autres aspects, bien sûr qu'il y a ce truc de syndrome de l'imposteur et encore plus avec cette marque. Alors, après, ce qui est fou, enfin, c'est un syndrome de l'imposteur, et oui, c'est parce que je pense que je m'occupe pas de tout. Et donc, j'ai un peu ce truc de, bah, ok, j'ai cette marque, mais comme c'est pas moi qui m'occupe des envois, comme c'est pas moi qui fait des, qui fait mes petites tambouilles, peut-être que je suis pas légitime à avoir toute cette reconnaissance ou à diriger cette marque, comme je suis pas tout seul à m'en occuper. Et en même temps, c'est ce que je te disais, enfin, il y a très peu de fondateurs de marques qui s'occupent de Oui, tout non tout à plus, fait, tu c'est un vois. travail d'équipe. Bien sûr, c'est un travail d'équipe. Tu es très exigeante en fait, donc tu te dis un peu c'est tout ou rien, Oui, je enfin inconsciemment. pense. Oui, parce que j'ai l'habitude de tout faire dans mon métier. Dans mon métier de créatrice de contenu, je fais Tu fais tout. même tes Ah, mais montages, oui, oui. je fais tout. Et donc là, le fait de pas tout faire, est-ce que je suis vraiment légitime à être. Tu vois, il y a ça. Et il y a aussi le Oui. fait que ça m'a mis un peu mal à l'aise vis-à-vis des marques, peut-être avec lesquelles je bossais Ah. avant. Tu vois, je me suis dit, ah, Et on est est-ce que en du coup. concurrence quelque Bah, un part. peu, est-ce que ça va être mal perçu? Et est-ce que c'est pas un peu facile, mine de rien, parce que moi je démarre avec une communauté, donc est-ce que c'est Oui, mais juste pour les que autres tu as marques? construite. Je Oui, sais. quand on parlait des marques blanches, quelqu'un qui arrive, qui a eu un gros. Enfin, qui a de l'argent à mettre en investissement pour acheter sa marque blanche et faire déléguer de la publicité, bah, là, on peut parler. Oui, c'est sûr, mais il y Mais a ce oui, mais je truc. comprends bien toutes les questionnements. Et justement, pour continuer, quelle solution, entre guillemets, t'as trouvé, tu continues à parler d'autres marques. Oui, alors ça, pour le coup, oui, bien sûr, je continue. Alors, c'est vrai que j'en parle moins parce qu'en fait, moi, au quotidien, j'utilise mes propres produits. Mmh. C'est pas pour de faux, c'est vraiment mon huile démaquillante. Donc, je vais pas, pour le principe, continuer à recevoir plein d'huile démaquillante pour pas qu'on me prenne pour une imposte, tu vois. Il y a un moment où, si j'utilise, j'utilise. Mais bien sûr que je continue à parler d'autres marques, à dire du bien d'autres marques. Tu vois, pendant ma grossesse, j'ai dû arrêter d'utiliser mon huile, j'en ai utilisé d'autres. Mmh. Et j'ai aucun souci avec ça. Je suis très transparente et je pense que c'est pour ça qu'on me fait confiance et qu'on continue, que ça continue de fonctionner, tu vois. Donc, mais comment dire, ce syndrome de l'imposteur, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, et surtout quand je parle à d'autres marques. Et ce qui est assez fou, c'est quand je parle à d'autres fondatrices, des femmes. Et on est beaucoup de femmes en fait à avoir ce syndrome de l'imposteur, ce qui est complètement fou. Mais de voir que d'autres l'ont, alors que de l'extérieur, crois-moi, elles n'ont rien d'une imposture. Oui. Ça aide à prendre un peu de recul. Puis de l'extérieur, tu te dis, elle assure, elle semble avoir trop confiance en elle. Et si tu creuses, en fait, c'est assez... Je me rends compte qu'on est beaucoup à l'avoir, beaucoup en tant que femme. Donc, et tu disais, sur Internet particulièrement, comment ça se fait? Parce qu'en fait, il y a aussi, je pense, des idées reçues et des croyances un peu limitantes de... comme en plus je vis de ce que j'aime et ce qui est un peu d'une passion, c'est-à-dire le maquillage, la beauté, etc. Est-ce que j'ai le droit de gagner de l'argent avec ça? Tu vois, il y a un peu ce truc de... Tu vois ce que je veux dire, notamment, oui, tout à fait. Ouais, c'est pas un vrai métier si j'adore ça. Ouais, exactement. On voit vite le travail comme il faut souffrir, toute sa vie jusqu'à la retraite. Mais complètement. Mais tu sais, j'avais ça aussi. Alors pour le coup, je l'avais pas moi perso, mais on me le faisait comprendre déjà quand j'étais maquilleuse, parce qu'être maquilleuse aussi, t'imagines comme c'est génial. Maquiller les gens, ça peut être vu comme un loisir, pas du tout comme un métier. Et j'ai vu à quel point parfois ce métier peut être pas pris au sérieux, à quel point on peut baisser des budgets en disant non mais ça va, t'es une fille, tu sais maquiller, tu peux bien maquiller pour un plateau télé, mais en fait c'est un vrai métier, tu vois. Donc, on va dire que ce mode de pensée m'avait vachement entraînée déjà dès mon plus jeune âge. Ah oui, d'accord. Parce que déjà en tant que maquilleuse, j'avais dû lutter contre ça. Oui, lutter contre ça. Et juste c'est une passion. En fait. Exactement. Donc oui, on peut vivre d'une passion, on peut s'amuser vraiment en travaillant. On a le droit quand même, enfin c'est même pas qu'on a le droit de gagner de l'argent, c'est qu'on doit gagner de l'argent pour ce travail-là même. Le temps passé, l'énergie, les réflexions. Oui, mais ouais, je vois bien. Ouais, ça, peut-être que ça va évoluer un petit peu vu que le rapport au travail change. Oui. On voit qu'avec la nouvelle génération notamment, il y a de nouveaux codes un peu, de nouvelles attentes. Donc complètement. Ça t'éblouit, mais oui. Bon alors après, tu vois, je tiens quand même à le dire parce que justement, il y a un peu cette nouvelle mode, le travail, c'est forcément que du plaisir et maintenant, on ne vit que... comment dire, il y a ce nouveau truc, tu sais, on pousse les gens à ne faire que des activités qui leur font plaisir et à travailler avec... Sans contrainte. Il y a quand même des contraintes et c'est quand même énormément de discipline et il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail, même si c'est un travail passion. Mm-hmm. Tu vois, il faut remettre les choses à leur place. Il y a énormément de travail, mais c'est du vrai kiff aussi. Oui, mais bien sûr que tu dois te donner des objectifs, respecter des deadlines. Certaine pression. Et puis, t'es entrepreneur, donc t'as pas de pause. Jamais. Tu peux difficilement déconnecter. Ouais. En tant que jeune maman, en plus, tu dois encore plus trouver cet équilibre. Ouais. 9 ans après la sortie de ton blog, finalement, tu as donc de nombreuses cordes à ton arc, on l'a compris. Tu as développé toutes ces activités, gagné la confiance de nombreuses marques. Mais actuellement, là, tu sens que tu traverses une période un peu différente de remise en question. Tu peux nous dire sur quoi tu te questionnes? Je me suis vachement questionnée sur les réseaux sociaux, tout court, en fait, parce que, en fait, moi, j'ai démarré il y a 9 ans, comme je te disais, c'était via un blog. Donc, j'écrivais, il y avait YouTube, mais qui n'est pas vraiment un réseau social, qui est plus une plateforme, en fait. Instagram, je crois que c'était même pas là ou à peine quand j'ai commencé. Et les stories Instagram n'existaient pas. Enfin bref, les réseaux sociaux n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Mmh. Et donc, j'ai vu tout ça évoluer. Et là, en fait, on arrive dans une période de frénésie. Mmh. De tout va trop vite, il y a 1000 réels à la seconde, il y a 1000 infos à la seconde. Moi, je trouve que... Alors, j'ai un sentiment... Enfin, je pense que j'ai une vision qui est un peu biaisée parce que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, forcément, c'est mon métier. Mm-hmm. Mais il y a un truc où je me suis dit, mais là, on est en train de passer notre vie devant les réseaux sociaux. Les créateurs de contenu, on est en train de passer notre temps à batailler pour attirer l'attention ou pour avoir une visibilité avec les algorithmes. Auprès de ta propre communauté, parce qu'en fait, pour expliquer, même si toi, t'es énormément suivi, quand tu postes quelque chose, l'algorithme ne va pas du tout le montrer à tous tes abonnés. Parce qu'il y a tellement d'autres choses à montrer. Je crois que c'est montré à, genre 5 ou 7% des personnes qui te suivent. L'algorithme fait ça et selon les réactions des 5 ou 7% à qui c'est montré, ça va être montré à plus ou moins de personnes. Donc s'il y a plus de likes, s'il y a plus de commentaires, etc. Mais là, c'est très bien, merci d'avoir dit ça, parce que là où c'est pervers, je trouve, ce système, c'est que si je fais un contenu, on va dire, qui est juste doux, qui va être informatif et basta, il y a finalement peu de réactions. Il y a peut-être un like, mais il n'y a pas forcément besoin de commentaires ni quoi que ce soit. On prend l'info et voilà. Exactement. Alors que si je fais un contenu qui est clivant, qui va être choquant, qui va créer du débat, là, d'un coup, il va y avoir plein de réactions et ça va être montré. Mais parfois, il n'y a pas besoin de créer du débat. Et parfois, tu sais, j'ai même vu des gens qui vont faire une faute exprès, une faute d'orthographe exprès dans le titre. Comme ça, il va y avoir plein de commentaires en disant « Non, là, c'est mal écrit ». Mais c'est génial parce que ça crée des réactions. Ah ouais. Mais tu vois où est-ce que ça peut emmener, du coup, ce genre de problème. Il y a une absurdité, oui, tout à fait. Oui. Donc oui, il y avait un peu cette remise en question, et parce que ma vie a changé en devenant maman. Il y a eu, bien sûr, après ça, je pense que c'est très normal, il y en a plein qui appellent ça la matrescence, cette remise en question au moment de devenir maman, parce que ça fait longtemps que je fais ce métier, que je vieillis aussi, entre guillemets. J'ai commencé assez jeune et forcément, je prends de l'âge, donc j'imagine que mes attentes sont différentes. Donc oui, il y a une sorte de remise en question, mais là, ça commence à aller mieux au moment où on fait ce live. Mmh, ça commence à s'apaiser un petit peu et on verra ce que ça donnera. Mmh. Ça évoluera, c'est évident, mais ouais, voilà, je trouve qu'il y a trop de bruit sur les réseaux sociaux maintenant. Il y a un truc où on se fatigue tous et c'est même pas bon pour notre santé mentale, tu vois. Souvent, on dit que c'est cyclique, donc est-ce qu'à un moment, on va... Enfin, il y a des gens de plus en plus, je crois, qui veulent apprendre à complètement se déconnecter, etc. Il y a des mouvements comme ça. Donc, en tout cas, c'est ce vers quoi on va. Moi, je trouve qu'il y a un essor des activités manuelles, artistiques. Tu vois, moi, je me suis mise au puzzle pendant ma grossesse, à l'aquarelle. Mmh. Et là, je redécouvre une passion pour le tricot, tu vois, par exemple. Donc, il y a un truc, tu vois. D'ailleurs, c'est le casting auquel tu as postulé, le tricot. Attention, la réponse. Non, c'est pas le casting. Il y avait bien une émission que j'aimais beaucoup sur la couture. C'était avec Christina Cordula. Exactement, non ouais. Oui. J'avais regardé. Mais donc peut-être qu'après, il y aura le tricot aussi. Mais en tout cas, ces activités-là sont en train de revenir à la mode. Il y a vraiment... Je pense que justement, on va tellement vers un extrême d'écran qu'on va aller vers un... Enfin, on va avoir besoin de rééquilibrer ça et d'aller vers d'autres extrêmes. Bravo en tout cas pour votre parcours et votre réflexion. C'est gentil. Mais merci. C'est ce qui est intéressant aussi en te suivant, c'est que tu partages toutes ces réflexions-là et comme tu as... de la bouteille sur ce sujet, tu as pu voir un peu l'évolution et du coup, c'est intéressant ces questionnements, je trouve. Nous passons aux questions incontournables de beauté imaginée. Est-ce que tu aurais une gaffe cosmétique à nous raconter pour qu'on se moque un peu ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mal utiliser un produit ? Alors, c'est pas mal utiliser un produit, mais c'est plus c'est pas une gaffe, mais c'est une catastrophe capillaire qui m'a finalement emmenée vers la beauté clean, figure-toi. Ah ! Oui, j'étais à l'époque, donc je maquillais en télévision et la présentatrice que je maquillais m'avait dit écoute, j'ai un super... Moi, j'avais envie de changer de tête un petit peu. J'avais envie de faire une nouvelle coupe de cheveux. Mm-hmm. Et elle m'a dit, je vais te passer les coordonnées de mon coiffeur. Il est génial. Tu vas voir, en plus, il fait des relookings et tout. Donc, moi, j'y vais hyper contente, hyper confiante. Mm-hmm. Et écoute, Alice, non, mais quand je te dis que je suis ressortie de là, mais déprimée, c'est-à-dire que j'avais les cheveux assez longs et il me les a coupés au niveau des épaules. Oh. Et moi, j'ai les cheveux très, très volumineux. Ouais. Donc, ça faisait vraiment une sorte de panneau de signalisation, tu vois, le triangle. Ah. Et en plus de ça, j'avais décoloré aux trois quarts à une sorte de blond vénitien. Non, mais c'était un enfer. Et à la repousse, t'as même pas attendu la repousse. Ah, bah non, j'ai pas du tout attendu la repousse. Déjà, je suis rentrée chez moi à moitié en train de pleurer. Je me suis relavé les cheveux tout de suite après. Ça, on en rigole. Mais mine de rien. Quelques années après, mais sur le coup, c'est dramatique. Non, mais vraiment, c'était dramatique. C'était... Mon Dieu. Et en fait, mine de rien, comme j'ai dû me recolorer les cheveux beaucoup de fois après pour rattraper ça, c'est grâce à ça que je me suis penchée sur tout ce qui était beauté plus naturelle, beauté plus clean, parce que je me suis dit que j'allais flinguer mes cheveux à force de me recolorer les cheveux. Donc ça a été une sacrée catastrophe capillaire, mais c'est ça qui m'a emmenée vers toute la beauté clean. Ouais. Donc, merci. Rendons hommage à ce coiffeur. Exactement. En fait, c'est finalement très dangereux d'aller chez un coiffeur et de dire je veux changer de tête, parce que je pense que pour un coiffeur, c'est jouissif Ouais. de s'éclater sur une chevelure et tout, mais du coup, ouais, ça peut Bah, être. non, mais c'est surtout que ça veut pas du tout dire que c'est un mauvais coiffeur, hein. Ça veut juste dire qu'on avait des Oui. goûts différents et on n'avait pas du Ouais. tout une attente, Et qu'il aurait enfin, fallu idéale. communiquer un petit Ouais, c'est ça. Voilà. peu. Mais donc, Ouais. finalement, merci pour ça. Est-ce que tu as un produit de beauté incontournable qui ne soit pas de ta marque, Héloïse? Écoute, je vais tricher un petit peu si ça te dérange pas. Je t'explique. Parce que voilà, j'ai réfléchi à cette question et alors j'en ai deux. Allez, tu sais quoi, je vais tricher, mais un peu moins. J'ai un mascara que j'adore en beauté clean, qui est le mascara Ilia, qui Ah, est génial. Le ok. Limitless, il tient hyper bien, il fait des cils incroyables. Et ça a été très compliqué de trouver un mascara naturel qui tienne aussi bien et qui a quand même un effet assez waouh, tu vois, pas juste un effet naturel. D'accord. Donc le Ilia est génial. Et aussi, parce que ça, c'est mes deux incontournables en make-up, j'ai co-créé avec une marque qui s'appelle Irisé Paris des anti-cernes, des correcteurs. Et sincèrement, moi qui suis maman et qui suis un petit peu fatiguée en ce moment, eh ben, les correcteurs et ceux qu'on a créés, ils sont sincèrement très, très bien. Donc je dirais, tu vois, je triche pas parce que c'est ma Oui, marque. c'est une C'est pas ma marque, co, voilà. mais je l'ai un peu créée quand même. Ah ouais. Ouais, donc ça, c'est des correcteurs qui sont géniaux et qui cachent Putain. bien la fatigue, Et ouais. du coup, encore une de tes activités, voilà, t'as fait cette co-création. Comment ça s'est passé? T'as été abordée ou c'est toi qui Non, te... c'est moi qui ai contacté Maude pour le coup, qui est la fondatrice de Irisé Paris. Je connaissais déjà les produits, j'adorais le principe parce que c'était du made in France, c'est du clean. Et en fait, elle a confectionné ces produits pour que ça soit tout, comment dire, que tout soit mettable dans une palette en fait, donc qu'on puisse personnaliser sa propre palette, qu'on puisse recharger sa palette et l'emmener un peu partout. Et en fait, à l'époque, donc moi, donc ça fait longtemps que je suis dans la beauté clean et que j'étais maquilleuse et tout, et moi je trouvais pas le bon correcteur, le bon anti-cerne. Et pourtant, c'est assez important en make-up, tu vois, c'est même plus important qu'un fond de teint. Et comme je trouvais pas, et ben j'ai tout simplement pris mon téléphone, j'ai appelé Maud, je lui Ah, ai dit, c'est écoute, génial. je trouve qu'il manque ça sur le marché. Moi, je suis d'accord, comme je m'y connais un petit peu, vu que je suis make-up artiste, je En veux bien. toute prétention, non, je voulais dire en toute modestie. Non, mais tu sais, c'est un truc tout bête, mais c'est un truc auquel on ne pense pas toujours. Mais tu sais qu'il y a plein de produits make-up ou produits soins qui sont développés par les équipes marketing, mais Ah les équipes marketing ne oui, sont pas formées mais en c'est fait vrai. à Ouais. développer des produits comme Mais ça. oui, Donc, je trouvais ça t'as intéressant de co-créer ça vraiment. en tant que maquilleuse, on va dire. Et aujourd'hui, tu sens que tu as entre guillemets, ce pouvoir de pouvoir faire un partenariat avec qui tu veux dans ta niche, hein. Ouais, mon pouvoir, il n'est pas personnel. Mon pouvoir, c'est la confiance que j'ai. Enfin, comment dire, la De ta confiance qu'on me communauté. porte. Exactement. C'est plutôt la communauté que j'ai. Et mon pouvoir, entre guillemets, moi, ce que j'ai en. Oui, on va dire que c'est ma force, en fait, finalement, les gens qui me suivent et quand même ce background de beauté et de naturel. Ça, oui. Mais je pense que. Enfin, je suis pas naïve. Hein. Si j'avais personne qui me suivait, je pense que je pourrais pas faire beaucoup de co-création. Donc, c'est Oui. plutôt la confiance que j'ai réussi à installer. Et oui, ce truc de maquilleuse, mine de rien, je pense. Cette légitimité que j'ai eue grâce à ce métier. Là, mais là, tu vas voir n'importe quelle marque sur le voilà les ce qu'elle partage ces valeurs-là, a priori, elle est partante, quoi. Bah, je pense, mais dans le sens où, comment dire? C'est pas du tout, ça fait vachement prétentieux de dire ça, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est pas un trop gros, comment dire, le risque est plus minime en travaillant avec un influenceur ou avec une influenceuse parce qu'il y a déjà une partie de la com qui est faite. Et En oui. fait, tu Ouais, bien vois, c'est sûr. que, en créant Il n'y a quelque pas besoin chose, de rassurer ou de c'est convaincre, ouais. ça, c'est ça. Il y a une sorte de figure de confiance Oui. qui est là. Et donc, je pense que c'est moins risqué, effectivement, pour une marque de co-créer avec des influenceurs. Mais il faut que ces influenceurs aient vachement de confiance et une sorte, quand même, de légitimité. Moi, par exemple, de co-créer, je sais pas, plutôt dans la mode, alors j'y connais rien, ça serait pas très intelligent. Et c'est pas parce que j'ai une communauté là-dedans. Enfin, ça dépendrait de l'accessoire, tu vois. Mais tu Oui, vois ce que je veux oui. dire? Il faut quand même avoir une certaine connaissance du sujet Bien sûr. pour pouvoir co-créer avec une marque, à mon avis. Ouais. En maquillage clean, en tout cas, évidemment, c'est Oui, ton domaine de voilà, c'est ça. prédilection Ça, et c'est mon domaine. Ouais, d'expertise. ouais. Oui, bien sûr. Eh Ouais. bien, merci Héloïse pour toutes tes réponses. Merci à toi. Chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent de leur côté ma belle invitée, puisque l'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Je vous vois ceux qui râlent en disant, ah, oh, c'est mieux quand on voit vos visages entiers. Mais il faut parfois laisser un peu de place au mystère. Et justement, Par rapport à ça, nous vous faisons deviner trois infos aujourd'hui concernant Héloïse. Donc, dites-nous si vous avez de l'inspiration par rapport à ces devinettes. Quel âge a Héloïse? Pour le blog de quelle personnalité de télé-réalité Héloïse a-t-elle écrit des articles de maquillage il y a 9 ans? Et à quel casting Héloïse a-t-elle participé? 35 ans, Nabila Koh-Lanta. Non, mais tout n'est pas complètement faux. 32 ans, Loana The Voice. Tout n'est pas complètement faux. Il y a du bon. 32 ans, Caroline Receveur, The Voice. Presque. On a 26 ans, Maëva Guénam et le casting Prince de l'amour. Non. Non. Mais là, dans la plupart des personnes qu'on a citées en personnalité, c'est drôle parce que c'est des personnes que j'ai maquillées, effectivement. C'est pas pour elles que j'ai écrit, mais c'est des personnes que j'ai rencontrées et que j'ai maquillées parce que je travaillais beaucoup en télé-réalité, effectivement. Tous les produits sont vraiment top. Bravo, Héloïse. Ah, top. Disait Spirit. Merci. Merci. On a eu 25 ans. Gentil, mais non. Enfin, c'est gentil. Moi, j'aime bien avoir plus aussi. Hein. Ça oui, va parce très bien. Que t'as fait plein de choses. Donc, si t'avais 25 ans, disons que... Oui, j'aurais commencé très, très jeune. Ouais. Je suis partie en Thaïlande à 15 ans, j'en avais marre. J'ai quitté. On a eu 29 ans, 30 ans, nouvelle star, 31 ans, Caroline Receveur. Ouais. Il y a du bon. The Voice, 34 ans, Nabila. Non. Star Academy, Caroline Receveur. Il y a du bon. L'Xrazi nous dit 32 ans, Caroline Receveur, nouvelle star. Eh bien, ça, c'est tout bon. Bravo, je crois que tu étais la première à bien trouver. Oui, révélation. Bravo. Oui, ouais. Alors, écoute, oui, j'ai 32 ans, du coup. Mm-hmm. J'ai 32 Donc, tu as commencé en 2014, quand tu as lancé ton blog, tu avais donc 23 ans. Ouais, exactement, j'avais 23 ans et j'étais déjà maquilleuse, je pense, depuis... Ouais, j'ai commencé à 22 ans à peu près à bosser sur les plateaux de télé, ouais. Et donc 32 ans et comme je maquillais sur Énergie 12, à l'époque, on avait Caroline Receveur qui était présentatrice et je la maquillais quand j'y bossais. Mm-hmm. C'était génial de la rencontrer, de bosser avec elle. Et comme on papotait pas mal quand je la maquillais, j'adorais lui balancer plein d'astuces ou plein de conseils beauté. Trop cool. Et à l'époque, elle m'a dit, tiens, je vais ouvrir un nouveau blog où je vais parler vachement de lifestyle. Est-ce que ça t'intéresserait d'écrire pour toute la rubrique beauté? Et donc forcément, moi, avec grand plaisir. Oui. Et donc, j'ai créé mon blog, en fait, à peu près en même temps qu'elle. Et à chaque fois que j'écrivais un article pour le blog de Caroline, je mettais une signature easyblush.fr et ce qui me permettait aux gens d'aller voir ce que je faisais à côté. Et donc, c'est grâce à ça, je pense que c'est pas grâce à ça, tout le monde ne vient pas que de Caroline Receveur, mais ça a aidé, en tout cas, même au niveau du référencement sur Google et tout. Mmh. Ouais, bien sûr, je pense que ça a vachement aidé. Ouais. Ah ouais, sympa. Ouais. En plus, je pense qu'on l'a... Beaucoup de gens la connaissent parce que autant il y a 10 ans, il y a sans doute des personnalités qui ensuite se sont éloignées de la caméra, etc. Autant Caroline Receveur, elle a fait en plus pas mal, je pense, elle a été égérie de plutôt grandes marques. Hein. Oui, elle fait plein de choses depuis, elle s'est vachement renouvelée. C'est vrai qu'elle vient de Secret Story, il me semble, la base. Et elle a fait tellement, tellement de choses après, c'est vraiment un joli parcours. Mais là, pour le coup, elle s'est vraiment éloignée de la télé-réalité. Maintenant, elle a monté ses affaires et c'est une vraie businesswoman et chapeau pour tout ce qu'elle a fait. Ouais. Et elle est devenue un peu plus grand public parce qu'il me semble même, peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'elle a pas fait aussi Danse avec les stars à un moment qui a fait qu'elle est devenue un peu plus grand public? C'est possible, je sais plus. Mais effectivement, elle a été gérée de grandes marques, ouais. Ouais. En tout cas, ouais, super opportunité à ce moment-là. Comme ça, tu t'es lancée avec ce blog qui, cette fois-ci, a duré. Oui, on peut dire. C'est le Easy Blush et c'est, ouais, exactement. Et parallèlement, tu as tenté un casting. Ah ouais, il y a quelques improbable années. Aussi. Ouais, improbable aussi. Moi, je chante tout le temps, mais alors, il faut savoir, j'ai jamais pris un seul cours de chant, ni un seul cours de guitare et tout, mais moi, j'adore ça, je chante tout le temps, il faudrait demander à mon entourage, qui n'en peut plus. Mais, et on va dire que, ça m'était arrivé sur Internet de faire quelques reprises, j'avais fait quelques vidéos YouTube, mais d'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié de te dire ça, mais avant d'être blogueuse, tout ça, mes premières vidéos YouTube, et c'était même pas sur YouTube, c'était sur Dailymotion à l'époque. Ah oui. C'était des reprises musicales. Ah, d'accord, c'est J'avais comme ça peut-être que ça a 18 ans. commencé. Mais oui, j'avais 18 ans et je me filmais au piano en train de chanter. Ah, Bon, je pense que tout d'accord. ça n'est plus visible. Et donc, bref, ça m'est arrivé entre deux tutos make-up de mettre des reprises. Ah Et oui. en fait, j'avais été contactée par un caster, en tout cas par la production de La Nouvelle Star à l'époque quand ça revenait. Je crois que c'était sur W9, c'était plus sur M6. Ça a été la dernière édition. Et qui m'ont proposé de passer le casting. Et en fait, bah, la base. Enfin, moi, j'ai jamais voulu en faire mon métier. Ça m'intéressait pas plus que ça. Moi, j'adore chanter chez moi, mais je chante pas devant les gens. Et j'ai jamais voulu en faire carrière, ni même tenter quoi que ce soit. Mais c'était quand même un sacré défi, tu vois, de passer ce casting. Et je savais que ça allait pas être filmé. Pas le premier. En fait, il y avait une présélection avant d'être filmé et de passer devant le jury. Et donc, je me suis dit que je ne perdais rien, que c'était juste un joli défi à relever. De passer ça et que même si c'était filmé et que je me tapais l'affiche, c'était pas très grave, tu vois. Et en fait, donc j'ai passé ce casting et ça s'est bien passé, puis j'ai été prise pour l'étape d'après. Et je suis passée devant le jury, c'était à l'époque Benjamin Biolay, Cœur de Pirate, et c'était deux autres personnes qui étaient plutôt dans les coulisses, on va dire. Il y avait une productrice et un. Oui, je crois qu'il y avait deux producteurs, mais que je connaissais pas. Et bon, là, j'ai pas passé l'étape, Ah, mais mais c'était quand même une cool! sacrée expérience. Ouais, et chers auditeurs, juste après le live, je posterai l'illustration de ce talent dans la photo slash vidéo mystère d'Héloïse. Mais oui, et tu chantes très bien, donc Ouais, c'est gentil. ça m'étonne pas. Puis ça va bien, là en plus, enfin, je sais pas si tout ton registre est de ce style-là, mais c'est quelle chanson d'ailleurs? Elle s'appelle comment? Je la Bah connaissais pas. tu sais, je ne sais même plus laquelle je t'ai envoyée. Ah, bon, bah Je ne sais même plus quelle vidéo je t'ai envoyée. Mais tu ça me diras m'étonnerait après pas pour que que je ça. dise quand même la bonne. Je crois que c'était November Ultra. C'est une chanson assez Voilà. douce. À la Oui, oui, guitare. oui. Ouais. Alors ça, c'est vraiment mon truc. Les Ouais. musiques un peu douces, nostalgiques, tout ça, Oui, c'est mélancolique bien un mon. petit Oui, peu. c'est Et ça, ça tout à va fait. bien du coup avec l'univers, je trouve, C'est vrai. qu'on trouve sur Easy Blush, sur Oui. YouTube et tout. Donc, D'ailleurs, cohérent, c'est marrant. si les personnes qui nous écoutent aiment ce type de musique, on a fait toute une playlist qui s'appelle Héloïse sur Spotify, qui est vachement rattachée à l'univers de ma marque, pour le coup. Tu vois, parce que justement, ma marque, elle est très Oui. douce, très slow, etc. Et du coup, on a fait une playlist qui regorge, mais de pépites, avec plein de musique de ce style-là. Il faut juste taper Héloïse avec un H sur Spotify et vous allez tomber sur, je crois qu'il y a 6 heures de musique toute douce comme ça, trop jolie. D'accord. Ah, ok. Sympathique. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission de Beauté Imaginée sur ce parcours riche en tant que créatrice de contenu passionnée. Comment tu te qualifies? Et d'ailleurs, parce que tu vois, je cherchais les termes pour C'est entrepreneur. super dur, je sais pas. Franchement, il n'y a pas de métier en fait qui correspond vraiment à ce que je fais. Oui, je pense qu'on peut. Ouais, je me dis créatrice de contenu. Je crée du contenu pour Internet. Je crée des vidéos. Mais en même temps de ça, effectivement, je gère une marque. Donc, Oui, je sais pas. créatrice, Exactement. créatrice de plein de choses, Créatrice. d'un bébé aussi Oui, récemment. aussi. Ouais, bon bah, Ouais, c'est compliqué. voilà, j'étais partie sur créatrice de contenu Ça passionnée. me Bah, c'était va très super bien. cool, on a abordé plein de sujets très intéressants, Merci. je trouve. Bah Et écoute, chers merci à toi. auditeurs, bah, je t'en prie, merci beaucoup d'avoir imaginé ma belle invitée aujourd'hui. Vous pouvez suivre les aventures de Héloïse sur son compte Instagram, Héloïse Monchablon, et également vous abonner à sa chaîne YouTube, Easy Blush, je vous la recommande. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions et rendez-vous sur mon blog pour découvrir les replays de tous mes podcasts, c'est beautéimaginée.com. Podcast également disponible sur les grandes plateformes dans les prochains jours pour cette interview-ci. Dernière question, Héloïse, pour une prochaine interview de Beauté Imaginée, est-ce que tu penseras à quelqu'un qui pourrait être un bel invité peut-être? Oui, écoute, j'ai pensé à Maude, justement, qui a créé la marque Irisé Paris. Parce que Maude, elle bossait chez d'autres marques, des grosses marques de make-up conventionnelles. Oui. Et en fait, elle a tout quitté pour créer Irisé Paris. Et je pense que ça pourrait être très intéressant de l'interviewer. Donc, Maude Ah. de Irisé Paris est taguée. Là, très bien. Et appelée Merci. à la Très, barre. très, ouais, c'est ça. Voilà. Très, très bonne idée. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve pour ma part mardi prochain à 13h sur Instagram pour parler du beau parcours de la marque engagée Endro. Et donc, Héloïse, bientôt, on pourra découvrir le cinquième, le petit nouveau de la Ouais, marque Héloïse. exactement. On suivra Bientôt, ça. bientôt. On espère début avril, maximum, D'accord. j'espère. Ouais. Eh bien, parfait. À bientôt pour un prochain épisode de Beauté Imaginée. Et Merci. merci. Au revoir. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode?